l'usage de Carina. L'interprétation de son expression peut facilement changer d'après les circonstances. Par exemple, si cette femme venait d'acheter un revolver, vous l'utilisez dans la cour de récréation ou dans l'école du quartier. L'expression sur son visage sera très sadique. Par contre, si son amoureux vient de la quitter après une relation de 6 ans, son visage soudainement reflèterait une profonde mélancolie. C'est sur cette expression que notre histoire commence. Une femme étranchée par l'amour. Thank you. Thank you.